Fête de village en plein air. Le bal champêtre est sous la tente. On prend en vain des armes au cœur. Toute une musique flottante passe des oreilles au cœur. On entre. On fait cette débauche de voir danser en plein midi près d'une madelon, point gauche, un gros pierre, point engourdi. On regarde les marrons frire, la bière mousse et les plateaux offrent aux dents pleines de rire des mosaïques de gâteaux. Le soir, on va dîner sur l'herbe. On est gai, content, berger, roi, et sans savoir comment, superbe, et tendre, sans savoir pourquoi. Feuilles vertes et nappes blanches, le couchant met le bois en feu, la joie ouvre ses ailes franches, comme le ciel immense et bleu.